Lors de la dernière édition, nous vous présentions notre spécial Halloween. Eh bien, cette semaine, je puis vous dire qu'ici, dans le studio de la morgue de réanimation, c'est toujours l'Halloween. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que je me suis demandé ceci. Si ce n'est pas encore l'Halloween, pourquoi y aurait-il un clown sanguignolant assis à ma gauche? Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Et malheureusement pour Sinistros, les clowns ont normalement la vocation d'être drôles. Lui, non. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. And we are Undead Incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go! Oh, manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 12 novembre de l'an de disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Je l'étais la dernière édition, je le suis encore aujourd'hui et possiblement la prochaine. Et je crois que ce sera la même chose pour ce pauvre, triste, puant, ignare, de mauvais service, Gobelin Sinistros. Ah, veux-tu d'autres avec ça, là? J'en ai une liste. Terrible. T'es trop gentil. Je sais, je vais m'en garder pour une prochaine fois. Ah. Quand même, je peux pas te donner tous les fleurs la même soirée. Ma tête enflée ne passerait plus dans la partie. Ben, dans ton cas, la tête qui t'enflerait du double, là, ça serait juste proportionnel avec le reste de ton corps. OK. Et peut-être que ça te permettrait de meubler un peu plus d'intellect dedans. OK. Voilà, c'était le pot. Poutouti. Poutoum, poutoum, paf. Comment vas-tu? Ben, c'est quand même pas si pire. On est de retour ce soir. Ben oui, la semaine dernière, il faut dire qu'il y avait eu... Nos expériences ont fait qu'on a brisé des choses. Ouais, effectivement. Je t'avais dit aussi que la nitroglycérine, il n'y avait pas juste le mot glycérine dedans. Non, c'est ça, il y a nitro aussi. Hein. Oui, c'est ça. Non, en fait, il y a eu certains avaries au niveau des équipements de la radio. Nous aurions peut-être pu être ici mardi, mais finalement, comme l'émission avait été cancellée à l'avant, j'avais averti Sinistros et le reste de la troupe des Ghouls et des Cadavres de ne pas se présenter. Donc, nous avons simplement cancellé cette édition de réanimation. Mais nous sommes là ce soir parce que les choses semblaient tout à fait rétablies. Es-tu content de l'arrivée de cette bise? Ah, bien oui. Et ici, là, c'est pas question qu'on s'embrasse, c'est pas ça, là, hein? Non. Quand la bise fut venue, j'en suis fort dépourvu. Oui, parce qu'on sait que Sinistros est un amateur de froid invétéré. Ah oui, oui, oui. Pour ne pas dire invertébré. Ça, puis une gastro-entérite, là, c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Ce sont des choix de choix. Ce soir, nous avons une émission qui est en fait celle qui devait avoir lieu la semaine dernière, donc des présentations d'albums, 5 présentations d'albums. Très chargé ce soir. Effectivement. C'est 6 présentations d'albums. 6? Ah oui, lesquelles, donc? T'en as 3, toi? Oui, toi. Moi aussi. Toi aussi, t'en as 3? Bien oui, elle l'avait dit il y a 2 semaines. Bouge donc pas, j'ai vérifié de quoi, moi, là. Bouge donc pas. Un petit peu, t'as là. Peut-être oublié d'en écrire une sur ton fit internet. Hey, ça va-tu loader ce cassin-là? syphilis. Bon, on est rendu avec une panne Internet. Ça va bien. Bon, on t'écoute. Ben, on en a six d'abord. On en a six. Six formations qui sont sorties au cours des dernières semaines. Donc, on est un petit peu en retard d'une semaine, mais c'est pas grave. Là, vous allez quand même nous pardonner. J'imagine que c'est pas le cas. Ben, changez de poste. Comme premier bloc d'introduction, ben oui, toi, chose, ça va-tu bien? Ben, nous avons entendu avant cette pause la formation Slayer et la pièce Ghost of War que l'on retrouve sur Salt of Heaven. Notez ici que l'album le plus récent dans ce bloc était de 1989. Donc, Salt of Heaven qui est paru en 88, c'est American. Juste auparavant, nous avions Metallica. T'as-tu reconnu ça, toi, ce groupe-là? Metallica. Ben, pas Metallica. Non. Dans le temps, c'était du Metallica. Du Metallica. Oui. Metallica. Metallica. Voici la formation Metal Metallica. Oui. Et la pièce Damage Inc., pièce de clôture de l'album Master of Puppet, qui est paru en 86 sur Elektra. Nous avions Anthrax et la pièce Skeleton in the Closet, ce qui veut dire que quand, c'était une surprise à l'époque, hein, les mains chocolatiques de Closet, quand tu rouvrais la pièce en partant, t'avais un squelette qui sortait. Mais il était bien plus gros dans le temps aussi. Oui, effectivement. Il me semble qu'on tenait ça à deux mains quand on était tout petit. À cette heure, tout petit, tout petit. On tenait ça à deux mains quand on était tout petit. Mais t'étais petit comment? Ben, petit. Très petit. Oui, j'imagine. Pour que ça ait l'air d'un caillou pour toi, là. C'était pas un caillou, c'était une roche. Bon, Skeleton de Closet est tiré de l'album Among the Living, qui était le troisième album de cette formation. Américaine, Trash Metal, qui perd en 1987 sur l'étiquette Island. Nous avions juste auparavant la formation Testament, qui, elle aussi, donne dans le trash, et la pièce Greenhouse Effect, qu'on retrouve sur l'album Practice What You Preach, qui était paru en 89 sur Megaforce, et c'était là l'album le plus récent de ce bloc. Nous avions ouvert avec Megadeth, et la pièce d'ouverture du premier album, soit Last Rites Love to Death, qui est tirée de Killing is My Business, and Business is Good, qui est paru en 85 sur Combat, et c'est un véritable chef-d'œuvre, cet album. Ben, c'est à peu près le seul chef-d'œuvre de Megadeth. Moi, personnellement, pour attribuer le titre de chef-d'œuvre. P16 est très bon aussi. Là. Il est très bon, mais je ne lui donne pas le titre de chef-d'œuvre parce que Killing is My Business and Business is Good était très révolutionnaire, oui. Très original, et je trouve qu'il a très bien vieilli. Ceci étant dit, peut-être aurai-je des chroniques pour vous au niveau musical et cinématographique. Parce que là, on semble avoir une panne Internet présentement. Là. Si je ne puis le faire, eh bien, je m'en repentrai. Ah ben, repentrai. Tiens, voilà l'accord. Voilà. Sans plus attendre, Sinistros, quelle sera ta première présentation de la semaine? Ben, nouvel album de Toxic Holocaust. Ça fait trois fois que tu le présentes. Ah ouais? Ah, c'est peut-être pas le même titre d'album, par exemple. OK. Puis c'est pas en même année non plus. Ah, hein? C'est ça, OK. Album que possiblement beaucoup d'entre vous et d'entre nous attendaient, qui s'appelle Chemistry of Consciousness, qui, ma foi, est un excellent album de Toxic Holocaust. C'est ni plus ni moins sans surprise et c'est Toxic Holocaust. Comment tu lui as donné? Ben, je lui donnerai un bon 8.5. Là. Oui. On se rapproche beaucoup, j'ai donné un 8, moi. C'est pareil comme l'autre avant, et l'autre avant, et l'autre avant. C'est simple, efficace, dans ta face. C'est effectivement. En deux, trois trash, point final. Alors, ben ouais. Allons-y avec les trois premières pièces. Mis à part l'intro, bien évidemment. Les pièces Silence, Rat Eater et Salvation is Waiting. Alors, allons-y tout de suite. Toxic Holocaust. Go!

Salut, mon Danny. Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça. Oh, oh, aussi, tu m'amènes, toi, là, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique. Avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines, tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70 Boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Dans la lignée de Sky Punka, retrouvez désormais tous les vendredis soirs les Bonnets Rouges de 22 à 23 heures. Vous avez envie de vivre une expérience nouvelle? Le 20 novembre au 10-12 de l'UQTR, une soirée artistique sous le thème de cirque burlesque vous est présentée gratuitement. Sous une ambiance insolite, les étudiants du bac en loisirs, culture et tourisme vous présentent l'art sous toutes ses formes. C'est un rendez-vous le 20 novembre entre 18 et 21h au 10-12 de l'UQTR. C'est fou. 89.1. h 53, et devinez où vous êtes. You're in hell! Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On est sûrement pas en enfer parce qu'il fait frais, Stevie. Ah, il y a les enfers de glace. Ah, OK. In defense. T'aurais peut-être dit différemment si t'avais été un des détenus des goulags à Stalingrad pendant l'invasion de Stalingrad, justement. Ouais, possiblement que ça doit être l'enfer. Ouais, fait que d'après moi, l'enfer n'a pas de température. OK. C'est bon. Ça doit dépendre de l'enfer qu'on se crée. Oui. In Defense, avec Reinventing Rob Halford, qui est tiré de l'album Party Lines and Politics, c'est paru en 2011 sur Profane Existence. Tout juste avant, on a eu les petits Québécois de Bomb Nation, ou les grands Québécois, dépendants. Je ne sais pas si ils sont grands ou petits. J'ai aucune idée. Bomb Nation avec Drunk in Control, tiré de l'excellent album Azmat, qui est paru en 2009 sur Profusion. Et on a eu droit à trois pièces de la nouveauté de Toxic Holocaust, qui est Chemistry of Consciousness. On a entendu Salvation is Waiting, Rat Eater et Silence. C'est paru tout récemment sur Relapse. C'était très bon. C'était très bon. Oh oui, fidèle à lui-même, Joel Grind. C'est très puissant. Oh oui, c'est comme je dis, c'est du thrash metal pissed off et en beau tabarouette. En beau sac à papier. Oui, en sac à papier. Bon, désolé, chers auditeurs, je ne pourrai faire que ma chronique musicale parce qu'il n'y a effectivement pas d'Internet. Et donc, là, je ne peux pas de changer de page sur le site. Hein? L'hamster a décidé qu'il faisait agréable. Oui, il est fatigué, il fait dodo. Dans quelques instants, je vous propose la première présentation en ce qui me concerne de la soirée, c'est-à-dire le nouvel album de Motorhead. Deux extraits tirés de Aftershock, qui est paru très, très récemment sur AMI Motorhead Music. Je voulais juste vous parler vite fait de des trucs qui sont, en fait, que j'ai découvert, si on pourrait ainsi dire. Tu fais ça, toi? Non. Pas du tout. J'invente tout ce que je dis. OK. Moi, quand je dis. Tu m'en fais peur d'un coup. En fait, c'est des choses que d'autres gens ont découvert et que j'ai copié sur eux. OK. Bon. N'oubliez pas que le 19 novembre, c'est la sortie de l'album de collection de Ghost, If You Have Ghost, qui comporte la version live de Secular Haze, ainsi que trois reprises de groupe, dont, entre autres, une reprise de Depeche Mode. Moi, personnellement, j'ai écouté brièvement le truc au niveau des reprises et j'ai été un petit peu déçu. Mais c'est une pièce de collection. La pochette est absolument géniale, avec la tête de Papa Emeritus à la place de Nosferatu. Une des prises classiques du film lorsqu'il est sur le bateau. Bientôt, le 22 novembre, c'est le nouvel album de Hell, aussi. Ça, ça va être le fun. Oui, j'ai bien hâte. Et le 26 novembre aussi, c'est Decide. Pardon, Decide et, Decide. Oui, j'ai eu, oui, Decide. C'est Decide. C'est Desire. J'ai lu quelques critiques de journalistes qui ont eu le plaisir de pouvoir entendre quelques trucs. Ils sont tous unanimes. C'est très, très fort. Bon. Ça sera à voir. Bon. Ce soir, je vous propose, entre autres, effectivement, Motorhead, Skeleton Witch et Cataclysm, les nouveaux albums respectifs de ces trois formations. Mais je voulais vous parler aussi, parce que je reviendrai avec mes chroniques respectives pour chacun de ces albums-là, là. Le nouvel album de Pestilence, qui porte le nom de Obsidio. Qu'est-ce que t'en penses? Grand-mère? Oui, grand-mère. Même grand-mère, elle veut même pas se prononcer. Parce que j'ai comme l'impression que c'est, selon moi, pire que l'autre avant. Là. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une descente, même pas aux enfers. Non, ça serait trop chien pour les enfers. Oui, effectivement. C'est une descente en toboggan, pas de toboggan, finalement. Ouais. C'est sur les fesses. C'est ben une carré, descente sans point d'arrêt. Non, puis ça descend longtemps. Là. J'ai été très déçu en écoutant cet album-là, Obsidio, parce que je me disais, bon, le précédent était décevant par très rapport décevant. À Résurrection Macabre, qui avait été un excellent retour. Celui-là, selon moi, il est encore pire. Oui. Écoute, ça sonne pas. Ben, ça sonne la canette. Ça sonne vide. Il n'y a pas de présence dans cet album-là. On a l'impression que entre les instruments, on pourrait passer facilement à une autoroute, puis que il y a de la place en masse. Il y a de la place en masse, c'est sûr. C'est comme si c'était un album qui avait été fait parce qu'on est obligé de le faire pour honorer un contrat. Ouais. Là, c'est pis, vraiment. Puis je suis obligé de dire que le chanteur dont j'oublie son nom a probablement oublié quelle était sa fonction aussi. Donc moi personnellement, je l'ai pas encore noté. Je vais être franc avec toi parce que je l'ai pas encore tout écouté. Mais comme ces parties-là... Mais moi, c'est pas plus que 4, là. Ça, c'est ça ira probablement pas dans plus ces que coins-là, effectivement. Il y a eu un reissue de Septic Flesh qui mais est... Comme tous les albums de Septic Flesh, finalement. C'est ça. Le dernier en liste, c'est Off of the End Wheel. Moi, j'ai trouvé que cet album-là... Écoute, c'est sûr que quelqu'un qui a découvert vraiment Septic Flesh avec les trois derniers albums... Comme moi, mettons. Et comme moi aussi... Moi, j'ai découvert ça à partir de Sumerian Demon, Communion et évidemment The Great Mass. Écoutez les premières parutions de Septic Flesh, ça peut paraître un petit peu plus vide, et c'est le cas. Mais il reste que, avec Ophidian Wheels, qui est initialement paru en 97, je pense qu'il se dessinait bien cette espèce de musique grandiose dark metal. Donc, moi, je trouve que ça vaut quand même un 7.5 sur 10 à ce niveau-là. Et puis, c'est une réédition dans laquelle le remaster est quand même très bon, là. Donc, ça peut être intéressant pour les amateurs de Septic Flesh. Je vais garder celui-là pour la fin parce que c'est vraiment mon coup de cœur. La formation canadienne Untimely Demise, qui en sont, je crois, au deuxième ou minimalement deuxième. Je l'ai pas écouté encore, moi. Troisième album. Je l'ai reçu aussi. Systematic Eradication, qui est sur Punishment 18 Records. J'ai trouvé ça, musicalement, là, c'est quand même pas si pire. C'est le vocal. Puis moi, j'ai beaucoup de misère quand un vocal correspond pas à ce que j'aime dans la musique en général, là. Ça me fait vraiment, comme, je dirais, dégrader envers l'appréciation générale de l'album. Moi, je donnais pas plus qu'un 6.5 sur 10. La pochette est vraiment géniale. Là. Ça fait vraiment sci-fi, old school. Oui, la pochette est belle. Elle est très, très belle, la pochette. Musicalement, c'est assez correct. C'est assez correct, mais c'est le vocal que j'ai vraiment pas aimé. Donc, bien sûr, encore là, on s'entend que c'est subjectif. Là. Alors, un album que j'ai... En fait, c'est un essai que j'ai fait. Ça s'appelle Comvul. C'est un album de death metal. C'est un groupe finlandais. L'album s'appelle Evil Prevail. Le vocal est vraiment exécrable, là. Exécrable. Musicalement, c'est quand même pas pire, mais ça vaut plus qu'un 6 sur 10. Non. Je ne pas trop temps avec ça. Hellborn. Je connais pas. Moi non plus, je connaissais pas ça jusqu'à temps que je te côtoie. C'est la formation de Sinistros qui ont sorti leur EP lors du lancement de l'album il y a deux semaines. Oui. Effectivement, au Rock Café Le Stage, en compagnie, entre autres, de Satanic Glue Sniffer, Fuck the Middle East, puis Motorheadache, effectivement, qui est un hommage à Motorhead. Sinistros, j'ai eu le loisir et le plaisir, je dois dire, en toute sincérité, d'écouter cet album-là. Moi, j'ai donné un 7.5 sur 10. C'est quand même bien pour un premier jet, je trouve. Et puis, ce que je remarque le plus, finalement, moi, je pense que c'est que... C'est du easy way, easy go en death metal. C'est le but, là. C'est correct, quand même, ça fait la job. Moi, je trouve que ça fait la job. Puis ce que j'aime, c'est un produit qui est maison. Puis je pense qu'il y a des productions professionnelles qui sont pas aussi bons que ça. Ben, merci beaucoup. Fait que, moi, je vous conseille de. Elborn, comment qu'on se procure le EP? Via le Gally Store. Okay. E-Store. Il y a chez Metal Punk, Pete, il y en a au Viol Band. Allez sur notre page Facebook, envoyez-nous un message, okay. Savoir que, comment ou pas. Ben moi, je vous le conseille de vous le procurer parce que c'est un bon métal local. Puis je pense que vous avez une belle job. À le faire. Oui, puis ça paraît. Le but, comme il y en a qui disent que c'est simple, puis c'est fait comme ça. On veut que ce soit pas de fluff-là. Là. C'est old school, c'est bing d'en face. Bon. Final, non, mais c'est correct. Puis je pense que vous avez bien réussi la recette. Mon coup de cœur cette semaine... T'as piqué ma curiosité, par exemple. Je suis content, parce que tu seras sûrement pas déçu, loin de là. Je dis mon coup de cœur de cette semaine, mais en fait, c'est un coup de cœur qui va probablement être pour l'année 2013. C'est la formation Held of Ballots, une formation de death metal qui vient des Pays-Bas. Et c'est leur... En fait, ils ont quand même quelques albums, je veux dire ça. C'est leur troisième full-length en tant que tel. Sont signés sur Metal Blade Records. L'album s'appelle Third The Rommel Chronicles. C'est un album concept, évidemment. Le band tourne beaucoup autour de ce qui est conceptuel au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et ces trucs-là. C'est vraiment bon. C'est très original. As-tu des exemples de band à quoi ça peut ressembler? Justement, non. Ah, c'est bien. Justement, non. J'ai pas été vraiment capable d'être... Ben, écoute. Prends Possess. Prends Obituary, mélange-le dans une boîte, rajoute-y beaucoup plus d'originalité, rajoute-y un vocal qui est beaucoup plus méchant, et puis une ambiance qui est très malsaine, tu vas avoir Hell of Ballots. Okay, okay. C'est vraiment, vraiment bon, honnêtement. C'est disponible en CD et en LP. Moi, j'ai donné un 9 sur 10 sur cet album-là. Puis je pense que, sincèrement, tu vas probablement dire « T'avais raison, Doc ». C'est super bon, puis tu vas probablement le mettre dans ton top 10 de cette année. Ben, c'est bien. Excellent. T'as piqué ma curiosité maintenant. Ben, c'était le but. Maintenant, nous allons continuer musicalement avec ma première présentation d'album de la semaine, de la soirée, si on veut. Parce que je pense pas en faire le reste de la semaine. Motorhead, l'album Aftershock. Comment as-tu trouvé l'album, toi? Assez bon. Moins bon que The World Is Yours. OK. Les pièces qui sont plus blues, ça m'accroche pas. Moi, okay. Le blues m'a jamais attiré en partant. Okay. Mais ce qui est Motorhead, le bon rock and roll. C'est du Motorhead. C'est du Motorhead, indéniablement. Une excellente production. C'est fidèle à ce qu'ils font. Moi, côté blues, je suis pas un amateur invétéré de blues, mais c'est loin de m'achaler, donc je fais très bien avec ça. Maintenant, est-ce que c'était le dernier opus de Motorhead, Lemmy Motorhead, je ne sais pas, j'espère que non. Chose certaine, je crois que Lemmy va avoir à ralentir un petit peu, peut-être. Là, si, ouais, quand c'est rendu, faut t'arrêter les spectacles en plein milieu, on a un petit problème, là. Ouais, effectivement. Donc, mais écoute... Ouais, mais là... La vie qu'il a menée, c'est la vie qu'il a choisie, et l'âge l'a rattrapé aussi à un certain moment donné. Donc, bref, peu importe, on va écouter les deux premières pièces de l'album, soit Heartbreaker, c'est ironique, et Coup de grâce, Motorhead Aftershock. Ça aussi, un coup de grâce. Oui, aussi, effectivement, tout à fait. Motorhead. Scream! Motorhead. Les deux pièces d'ouverture de son dernier album Aftershock, soit Heartbreaker et Coup de grâce, c'est du Motorhead. Eh oui. Indéniablement, c'est du bon Motorhead. Et le reste de l'album, moi, je le trouve pas mal bon. Ben, mis à part les petits. Ben, c'est pas mauvais. C'est parce que toutes les autres pièces après c'est du blues, le Sinistro. Mm-hmm. Puis même à la fin, je pense que c'est du flamenco. Ah oui? Oui. Motorhead, il fait du flamenco. C'est peut-être même pas le cas, là. Avec les bottes qu'il y a pour en faire. Ah oui, c'est sûr. Olé, olé. Donc, je vous recommande ce dernier album de Motorhead, Aftershock, parce que c'est un album d'une valeur sûre. Bon, en fait, ça dépend comment vous allez le payer. Ah, c'est ça. Mais ils sont pas chers. Maintenant, tu as une autre présentation pour nous ce soir. Oui, un très, très bon album de 2013, la nouveauté de Necrophobic. Album qu'on attendait quand même. Moi, j'attendais depuis un certain nombre d'années. C'est cela. Album qui est à la hauteur du précédent, sinon meilleur. Peut-être pas meilleur que Death Wall. Ben, en tout cas. Peut-être égal. OK, on va s'entendre. Égal. Qui s'intitule Womb of Lilithu. C'est paru sur Season of Mist. Ben, en tout cas, c'est un très, très bon album. Oui, ça va l'album. On va entendre trois pièces. Soit la 2, la 3 et la 4, respectivement, parce qu'on skip l'intro. Mm-hmm. Splendor, Nigri, Solis, Astaroth et Forfure. Alors, allons-y tout de suite. Necrophobic, qui se mérite un beau 8,5 sur 10. Moi, je vais te dire comment je l'ai coté, cet album-là. 8 sur 10. Ah, tu vois, on s'en rejoint quand même. On s'en rejoint quand même pas mal. C'est bien. Necrophobic, go! Possible for you. Préparez-vous à courir le marathon musical de Montréal du 20 au 23 novembre prochain. M pour Montréal présente sa 8e édition. 4 jours de découverte musicale. Plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac DeMarco, Damien Robitaille, Duchess Says, Magical Clouds, Gros Méné, Laura Mouvoula, Young Galaxy, The House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Hobbies et encore plus. M pour Montréal, du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète, billets et informations, visitez mpourmontréal.com. Les Belles et les Bêtes sont de retour, avec une équipe beaucoup plus sauvage et combien plus séduisante. Jeudi matin, dès 10h. Séduisante, ça paraît qu'on les voit pas. C'est la magie de la radio. Ouais, mais là, il reste encore 10 secondes à la pub. Ça me laisse le temps en masse de laisser mon numéro aux belles auditrices. Et que t'es prête. Vous aimez ce que vous entendez? Écoutez les Palmarès C'est fou les jeudis de 15h à 18h, en rappel les dimanches à midi et tout lundi au mercredi à 17h. Radio Autrement, 89.1. C'est fou. Comment? h 36, et vous êtes toujours à CFOU 89.1 FM, et qui plus est, réanimation des Handel Incorporated Show, et ce jusqu'à 22h, en compagnie de moi-même et de lui. Le meilleur show métal à CFOU, bien sûr. Évidemment. Et nous voudrions en profiter pour dire un beau bonjour, présentement c'est l'heure, oui, un beau bonjour à nos auditeurs de France et d'Angleterre. Oui, surtout d'Angleterre. Oui. May the force be with you. J'ai aucune idée pourquoi, mais c'est pas grave. J'avais pas plus d'idée pourquoi j'avais dit ça. Mais... c'est pas grave. Unleashed avec The Soil of Our Fathers, qui est paru sur l'album Odalheim. Dernière parution de l'album, du groupe, excusez-moi. Paru en 2012 sur Nuclear Blast. Et on a eu Necrophobic avec le tout dernier Womb of Lilithu, qui est paru il y a quelques semaines, sur Season of Mist, on a eu les pièces Furfur, Astaroth et Splendor Nigris Solis. C'est un très bon album. Oui, c'est un très bon album, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon album. La semaine prochaine, moi, je vous proposerai justement l'album de Hail of Ballets, Third de Rommel Chronicles, ainsi que le dernier album de Witchburner qui porte le titre original de Witchburner. Hi, ça a l'air le fun. Ben, oui, c'est pas pire. Malheureusement, ils ont changé de chanteur. Donc, je suis un petit peu déçu parce que je trouvais que le chanteur original, c'est pas un band qui a une grosse discographie, là. Je trouvais que ça rentrait plus, c'était plus trash, du style un peu Toxic Holocaust. Oh, tandis que lui, maintenant, il fait un peu plus commun. Okay. Non, c'est pas mielleux, c'est juste plus commun dans un vocal sale, puis c'est un peu moins ça, selon moi. Mais quand même. Côté présentation, justement, je suis à ma deuxième de la soirée, qui est l'album de la formation American, qui est dans un trash metal, c'est-à-dire Skeleton Witch, et la pièce Serpents Unleashed, qui est parue il y a quelques semaines également sur l'étiquette Prosthetic Records. Chose intéressante, il est aussi disponible en CD et en LP. Oui, donc, c'est le meilleur album, selon moi, de Skeleton Witch. Ben écoute, moi... dis-moi l'album qui sonne le moins vide, là. Qui sonne le moins vide, t'as raison. Moi, je ne connais pas l'ensemble de la discographie de Skeleton Witch. Je connais, en fait, les 4 derniers albums de Skeleton Witch, ben, les 3 ou 4, là. C'est à peu près ça, là, finalement. Je pense qu'on est en 6, me semble, chose tant comme que ça. C'est soit les 4 derniers ou les 3 derniers que je connais. Je pense que c'est plus les 3 derniers. Puis, j'avais vu le band live, j'avais trouvé ça très, très bon. Ben live, moi, je les ai vus pas cette année parce que j'ai pas pu y aller, mais l'an passé, au Rock of the Stage à Trois-Rivières, puis j'étais vraiment tombé comme sur le derrière. Là. C'est, moi, je les avais vus. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Oh, je les avais vus au AVMTL, puis c'était comme un des opening acts, puis c'était en plein jour, puis je disais, wow, c'est vraiment ça. Là. Ils l'ont, c'est très fort. Mais en studio, je trouve que c'était un peu décevant parce qu'il n'y avait vraiment pas de puissance dans ce band-là, puis c'était très, très. C'est peut-être à cause de la production aussi, remarque. Là, ça se peut, ça se peut, sauf que. À un certain moment donné, si tes pièces d'elles-mêmes n'ont pas d'impact, la production ne pourra pas leur redonner l'essentiel. Sûr, c'est là, mais pourquoi live ça sonne? C'est parce que live, tout détonne. Là, non, je veux dire, t'as beaucoup moins de détails live. Là, non, oui, c'est fait que tout sonne plus. Mais Serpents Unleashed, pour moi, c'est le meilleur album qu'ils ont fait de ceux que je connais. Je trouve qu'ils ont trouvé une. En tout cas. Je suppose qu'ils ont trouvé une bonne voie au niveau de la composition, au niveau du studio, et ça fait beaucoup mieux le travail. Il faut donner une chose, Carlton Witch ont toujours eu des présentations assez intéressantes au niveau de leurs albums. Oui, ils ont des belles pochettes. Graphiquement parlant, là, c'est toujours très intéressant. Le choix des couleurs. Un beau logo. Oui. L'ensemble est bien, puis je pense que cet album-là, présentement, en tout cas, moi, je pense que l'aspect graphique, c'est le plus beau que j'ai vu. Le choix des couleurs est vraiment intéressant parce que c'est une palette qui est quand même assez douce, mais ça détonne quand même. Donc, je pense que cet album-là, je ne l'ai pas donné plus qu'un 7 sur 10. Mais un 7 sur 10, pour moi, pour Skeleton Witch, ça équivaudrait facilement... Le dernier, il y a eu 4 sur 10. Là. Bon, c'est ça, tu vois. Donc, pour un autre band que je sais pas, moi, qui ont une bonne discographie, ça aurait équivalu peut-être à un 8 ou un 8.5, là. Bon, c'est quand même très bien, je trouve. Donc, deux pièces de Skeleton Witch, tirées de l'album, dernier album Serpents Unleashed, soit Serpent Unleashed et Beneath Dead Leaves, Skeleton Witch. We'll be right back. Très court, mais très efficace. Assez efficace et assez intense. Skeleton Witch et les pièces Beneath Dead Leaves. Et aux pièces d'ouverture Serpent Unleashed que l'on retrouve sur l'album du même nom qui est paru il y a quelque temps à peine sur l'étiquette Prosthetic. Donc à la semaine prochaine. Sur ce, allez tous vous faire foutre. On est tanné, on s'en va. Ben non, on va faire un spécial. Sinistrose. Ben oui, c'est à mon tour qui incombe encore l'effet de terminer cette interminable émission, finalement. Mais on ne termine pas partout, là. Ah, on ne termine pas, OK. Non. Oh. Il nous reste encore une bonne heure et quart. Ah, non. On n'avait pas rien d'autre. Il me semble que moi, il me restait qu'un bloc. Là. Qu'est-ce que je fais, là? Oui, mais regarde, c'est parce que moi, il me reste encore au moins 7 albums à présenter, puis j'ai 7 autres blocs en plus. Ah, OK. De 30 minutes chacun. OK, bon. Moi, je viens qu'un bloc de 20 minutes. Ça, je peux m'en aller après. Oui, tu peux t'en aller après. C'est même pas drôle. C'est pas drôle, mon riz pareil. Ben oui, vaut mieux en rire qu'en pleurer, disent-ils. Eh bien, nouvel album. Ça va être mon bloc flûte. Juste non, pas de la flûte. Juste pour t'écœurer. Oui, puis ça m'écœure sévèrement. Ça va être un bloc avec des elfes et des épées. J'ai rien contre les elfes et les épées, tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas réunis. Ah, OK, OK. C'est ça, la fin. Nouvel album de Falkenback. Un one-man band. Un one-man back. Allemand. Qui chante en ancien allemand. Fait que c'est très difficile à prononcer. Pis comme les Goths et les Visigoths. Ouais, ben c'est un peu ça, là. Ouais. Il chante ses ancêtres, là. C'est très tribal. Ben, ça se ressent beaucoup dans sa musique. Puis encore fidèle à lui-même avec l'album Asa, qui est la suite logique de Tiorida, qui était paru en 2011, qui était la suite logique de Heralding the Fireblade, qui était paru en 2005. Là, c'est pas pire, il rapproche un peu ses sorties. Là, c'est quand même pas si pire. On va mettre trois pièces de l'album qui s'intitule Asa. C'est sorti sur Prophecy Productions. Premier album de Falkenback sur Prophecy. Encore une fois, les CD de Prophecy Productions, d'après moi, ils fonctionneront peut-être pas ici. C'est vrai! C'est vrai, ben oui! J'ai pallié à la... T'as amené le vinyle. J'ai amené le vinyle, c'est ça. T'as le 4 track. Le 8 track. Le 8 track. Pour être sûr. Alors, je vais essayer de le prononcer à peu près comme je pense, là. Oui, puis je préfère jouer toi comme moi. Ben, c'est parce que là, c'est même plus de l'allemand, là. C'est du vieil allemand. C'est l'assemblage de lettres incohérentes. Ben, c'est ça. La première pièce, c'est Vers du Nord Verdun. Ouais, c'est quasiment comme dans Carmina. J'arrive. on va écouter cette pièce-là, puis j'essaierai de faire la nomenclature. Tu serais peut-être mieux des mimés, je pense. Oui, c'est ça. Moi, je ne veux pas les dire. Hein, un peu comme dans Rockabelle's Oreilles, là, tu sais, le curé qui fait ses mimes. Comment ça fait déjà la mini. Non, c'est pas ça. C'était comment qu'il appelait ça, là? C'était quoi, la donc? Messe pour les sauts. Oui, c'est ça. Jean. Oui. Christian. Falkenback, l'album Asa. Go. sur mes loups. La vie en mauve, c'est des entrevues, des invités spéciaux, de la musique de la Mauricie, des activités régionales, avec vos animatrices Karina Tardy et Mylène Martin. Ne manquez pas La vie en mauve tous les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Suivez-nous sur notre page Facebook. Voici un footballeur durant le match du Super Bowl. Ready! Ready! Hot! Hot! Voici un comédien de la Ligue d'improvisation mauricienne jouant un footballeur durant le match du Super Bowl. Ready! Ready! Hot! Hot! Vous avez noté une différence? C'est parce qu'à la Ligue d'improvisation mauricienne, c'est plus vrai que vrai. Spectacle d'improvisation tous les mardis 20h à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Seulement 5$ pour étudiants. Retrouvez-nous sur Facebook pour l'horaire complet de nos matchs. À tous les lundis, dès 18h, Mademoiselle Blues est là pour vous faire entendre du blues, que du blues et seulement du blues. Êtes-vous prêt à passer une heure mémorable? Moi, je suis prête. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est fou. 89.1. sinistre trousse. Eh oui. Qu'était-ce? Asmegin, formation qui est présentement sur pause. C'est un peu dommage. Pour quelle raison? Ben parce qu'ils ont fait d'excellents albums, dont celui-là, Arve, qui est paru en 2008. C'était paru sur Napalm Records. On a entendu la pièce à Fandon's Milk Belt. Oh oui, puis là, t'as même pris la peine de mettre les hauts avec les bords dedans. Ah, c'est bon. Hein? Là, par contre, ce qui s'en vient, ça se pourrait que dans une couple de titres, là, que ça soit pas reposant. Ouais. Ouais. On a eu Croachan, qui est un cri de guerre gaélique. Donc, c'est un band irlandais. Mm-hmm. C'est leur cri de. Le cri de ralliement, là. Si, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Croachan. Croachan! Elle dit quoi? Bon. Avec la pièce Thai Kingdom Gun, c'est paru sur l'excellent Blood on the Black Robe de 2011 sur Candlelight Records. Et on a eu l'album Aza de Falkenbach, tout dernier album qui est paru sur Prophecy Productions avec les pièces Mij Leist Wurd, Wulfar Wijd et Vers. Tijner Nord Verdan. C'est allé tirer à mon compte. C'est quand même pas si pire. Mais c'est de l'ancien allemand, puis j'ai aucune idée comment ça se prononce. Non, puis s'il y avait quelqu'un qui parle ce dialecte-là, peut-être que c'est ça... les envoyer promener. Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? J'ai aucune idée. Ah, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible à dire. Mais ce qui est pire aussi, c'est que. J'utilise beaucoup Metal Archives pour mes recherches et tout. C'est quand t'as un album russe. Oui, qui donne le titre en russe. Oui, là. Bravo. Hein. Tu sais même pas comment le prononcer. Tu sais même pas c'est quoi les lettres. Là, non. Mais déjà ici, là, avec Falkenbach, quand t'es rendu avec deux ou trois consonnes une après l'autre, ouais, ça va pas c'est bien. C'est très guttural. Mais on a juste à se référer au film... Gladiateur avec Russell Crowe. Oui. Au début du film, quand c'est le général, puis qu'il va se battre contre une horde de barbares qui sont justement des Visigoths, des deux. Puis que le chef arrive sur le monticule avec la tête du messager, puis qu'il leur crie de quoi. Tu dis, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Puis là, moi, je l'ai fait reculer souvent, ça, là. Puis, ben, c'est complètement incompréhensible, mais c'est un langage de cette époque-là, carrément. C'est ça, là. Ça. C'est un assemblage de puis de Je dis, écoutez, vas-tu le cracher, finalement? Cracher le morceau. Ça fait du bien. C'est ça que ça voulait dire, oui. 21h16, toujours à l'écoute de Réanimation. The Undead Incorporated Show sur les ondes de Cifou 89.fm et ce, jusqu'encore pour quelques minutes. 44 minutes, jusqu'à 22h. Nous sommes rendus à ma dernière présentation de l'année. De l'année. de la soirée, devrais-je dire. Avec la formation canadienne québécoise Cataclysm et le dernier album Waiting for the Hand to Come. Album paru évidemment sur l'étiquette Nuclear Blast puisque Nuclear Blast fait un de ses chevals de bataille avec Cataclysm depuis bon nombre d'années. Et XDO aussi. XDO aussi, qui est une partie de Cataclysm sous un autre nom. Ben, c'est dans le fond Cataclysm sous un autre nom. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé, je dirais, au moins les cinq derniers albums de Cataclysm. J'ai toujours trouvé que c'était un death metal qui était quand même, je dirais, minimaliste, oui. C'est pas un grand compositeur parolier, mais musicalement, je trouvais que ça faisait le travail. Et puis que c'était honnête comme band, comme musique. J'avais hâte d'entendre la dernière parution de Cataclysm, soit Waiting for the End to Come. J'ai été un petit peu déçu, honnêtement. C'est encore un album qui est évidemment conceptuel, puis ça, je trouve ça tout à fait correct, là. J'ai rien au contraire contre ça. Mais je pense qu'ils sont présentement un petit peu à bout de souffle. Ça fait pas un album qui est mauvais pour moi, mais je lui ai donné un 7 sur 10. Et honnêtement, je vais être très, très franc avec toi, là, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs. Là. Ah oui? Okay, tu comptes tout le temps des mensonges, d'habitude? Bon, il vient juste de s'en rendre compte. Ah non! Je suis donc bien gobelin, moi, quand je veux. Oui, c'est ta nature. Ah, OK. Entre autres. Mais je pense que je lui aurais donné peut-être plus un 6.5 sur 10. Donc, on va quand même écouter deux pièces de cet album, qui sont les deux premières, soit Fire et la pièce If I Was God, I'd Burn It All. C'est tiré de l'album Waiting for an End to Come Cataclysm. ground for our sake. Both thorns and thistles it shall bring forth for us. For out of the ground we were taken, for the dust we are. And to the dust we shall return. Novembre, 19h, à l'aréna Claude Mongrain. Assistez au match de hockey opposant les Patriotes de l'UQTR au Lion de Yorks. Adultes, 8$, étudiants, 3$. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Écoutez, ma petite madame, votre char, c'est une perte totale. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi 18 novembre, venez voir les rouges et les bleus s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Trente précise. Et avant cette pause publicitaire, on a entendu deux pièces tirées du dernier album de Cataclysm, l'album étant Waiting for the End to Come, qui est paru là, sur l'étiquette Nuclear Blast. On a entendu la pièce If I Was God, I'd Burn It All. Nous avions ouvert avec la première pièce de l'album, Fire. Ben, il y a un bon titre d'album, hein? Waiting for the End to Come. Ça vient pas, finalement. Ben, en tout cas, c'est pas bien les passer, là. Mais ce n'est que partie remise. Sait-on jamais. Bon, comme je le disais d'emblée, cet album-là m'a quelque peu déçu, quoique je le trouve pas mauvais. Je pense qu'il y a un petit essoufflement au niveau de la formation. Moi, j'en embarque pas. Ouais, je sais que t'es pas un fan de Cataclysm. Ce que je trouve peut-être, une cause, c'est une hypothèse, là. Écoute, Cataclysm, XDO, c'est le même band. Oh, oui, c'est ça. Nez de front, deux bandes qui ont deux entités, entre guillemets, différentes. Mais qui ont à peu près le même son. Qui ont à peu près le même son, qui ont à peu près, je dirais, les mêmes influences, les mêmes concepts ou à peu près. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Là. Si tu peux garder de l'originalité ces deux côtés, j'en doute fort. Fait que c'est peut-être une des explications. Moi, personnellement, je pense que j'opterais pour une formation plutôt que deux là, similaires. Là. Tu te consacres à une, puis bon. Mais c'est encore là subjectif et c'est mon opinion. Donc cet album-là, je lui donnais un 7, mais j'aurais peut-être penché aussi pour un 6.5. Disponible en CD et LP aussi également. C'est selon les goûts. Hein? Ah oui. 21h31 et ce sera la dernière portion de cette édition de réanimation. La semaine dernière, écoutez, je vais faire quand même, j'ai eu la prestance d'idée en ouverture d'émission d'aller chercher certains sites internet que je ne peux plus reloader ou changer, mais au moins bon. Les spectacles de BCI qui sont à venir, eh bien, vous savez que Sepultura, ça avait été annulé, l'Internet est annulé. Donc, si vous avez des billets, je pense qu'il y a toujours temps de remboursement au point d'achat. Le samedi 30 novembre, au Club Soda, c'est Hailstorm en compagnie de Trollfest et Gypsy Hawk. C'est à 20h, c'est pour tous, au coût de 23 et 29 taxes incluses. C'est disponible à la billetterie du Club Soda. Et si vous voulez voir la formation Children of Bottom, comme Sinistros se meurt depuis la dernière année. Ah, je me ronge les ongles, j'en ai même plus. Oui, mais tu n'as jamais eu. T'avais des griffes, toi. Ah, c'est pour ça. Je me ronge les griffes, c'est plus dur un peu. Non, mais c'est plus rough pour les dents. Quelles dents? Ah, c'est vrai. C'est, tu oublies pas, je t'ai mis des vis à la place de dents. Ah, mais quand même. Juste masquer tes bananes. Parce que faut sachiez, chers auditeurs, que les gobelets sont tous friands de bananes. Oui. Mais pas les mêmes que vous pensez. Non. Children of Bottom accompagné de Death Angel et de Tyr, c'est samedi le 15 février prochain à 20h au Metropolis et c'est pour tous au coût de 34,78 et 39,13 plus taxes via Ticketmaster. Voilà, je ne peux vous en dire plus parce que, faut-il que je le répète? N'est pas Internet. On a-tu une autre Internet? Des Internets. la semaine prochaine, je vous présenterai l'album de Hail of Bullets. qui porte le titre de Third The Rummel Chronicles, qui est excellent. J'ai hâte que tu entendes ça. Et les nouvelles pièces aussi du dernier Witchburner qui porte le titre de Witchburner, qui est un petit peu moins bon que son prédécesseur Demons, puisque le vocal n'est plus le même, mais quand même intéressant. Et tant qu'à toi... Je ne sais pas encore. Tu sais pas. Tu sais-tu de quoi, toi? Non. Non? Pourquoi tu présentes pas le dernier album d'Accept? Parce qu'il n'est pas sorti. Bon. Ben, l'autre avant? Ben, parce que je l'ai déjà présenté. Bon, il me semble qu'il y a des bonnes raisons. Ah! Probablement que Sinistros va en avoir des petites surprises pour nous. Oui, oui, oui. Bonne, pas... j'en doute, mais bon. Non, ça, c'est hors de question. Continuons musicalement avec mon dernier bloc de la soirée. Vous allez entendre des formations, entre autres Belphegor. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pensé. Ça fait longtemps, moi aussi, je n'ai pas entendu ça. Oui, puis je pense que ça va faire longtemps avant que tu en rentres aussi. Petit commis. Non, c'est vrai, hein, honnêtement. Là. C'est vrai, c'est pas tout bon. Si non. Bon, c'est... formation Flesh Crawl, ça fait des années que j'ai pas passé ça. Gold Worm, débutons le tout de suite avec Hackerun et la pièce Godless. We'll be right back.

21h53 et c'est vraiment, mais vraiment la fin. On vient d'entendre les formations suivantes à l'instant, Belphegor et les pièces Stigmata Diabolicum que l'on retrouve sur l'album Bondage Goat Zombie qui paraît en 2008 sur Nuclear Blast. Pas sûr que je vais en faire jouer souvent. C'est assez ordinaire. Hein? Ben écoute, je trouve pas que ça vieillit bien, ça. Non. Non, j'avais été tellement déçu quand je les avais vus live. En fait, je les ai vus deux fois. Et puis... Deux fois de trop. Ouais, effectivement, j'ai pas aimé le spectacle pendant tout. Je me disais, bon, à un moment donné, quand cet album-là était sorti, Bandage Ghost Zombie, je disais, ah, c'est cool, c'est correct, tu sais, c'est malsain, mais finalement, c'était juste un flavor, tu sais. C'est juste mal, pas sain. Ouais, c'est ça, exactement. Par avant, nous avions Flesh Crawl et les pièces Impure Massacre of Bloody Souls, que l'on retrouve sur As Blood Rains from the Sky, We Walk the Path of Endless Fire. Peux-tu mettre un titre plus long que ça encore? Probablement, c'est pas que j'ai plus de place dans mon petit carreau, là. C'est paru en 2000 sur Metal Blade. Nous avions Gold Ore et la pièce Shadow of a Rising Knife que l'on retrouve sur Carving Out the Eyes of God qui est paru en 2009 sur Metal Blade également. Et nous avions ouvert avec Hacker Run et la pièce Godless que l'on retrouve sur The Final Conflict, The Last Day of God qui est paru en 2009 sur Displease Record. C'est un bon album, ça, celui d'Hacker Run, The Final Conflict. Ils ont fait des trucs très étranges. C'était une formation qui donnait plus dans un black metal au départ, qui était très conceptuel. J'ai même un album, je pense, c'est Extellion, me semble. Je pense qu'ils en ont sorti un cette année. C'est possible. C'était genre une pièce, une introduction très satanique, ainsi de suite. Ils sont devenus un petit peu plus, je dirais, à tendance death metal par la suite, là, puis je pense que ça leur va mieux, honnêtement. Ben, en fait, c'est peut-être plus le style que j'aime aussi, faut dire. On rappelle que la semaine prochaine, nous serons de retour à réanimation. J'ai présenté l'album de Hails of Bullets, ainsi que le dernier de Witchburner. Tant qu'à Sinistros, il nous réservera probablement des surprises. De mauvais goût. Ben, il n'a même pas été capable de le dire. De mauvais goût. On va se laisser avec une dernière pièce qui est de la formation polonaise. Ah non, pas des cornichons. Eh oui, Valor. Ah oui, ça c'est bon. Eux autres mêmes. Et la pièce Vicious Circle. Et d'ici là, eh bien, allez tous vous faire foutre. See you.